toile de tente et emplacement. Apéro et barbecue, pile à linge à l'arrache, maillot de bain qui sèche pas, vécu perso à la main, douche commune il faut attendre, c'est ça la vie au camping, faut souffrir pour être campeur, campeur. Soirée moule, frites et karaoké, spécial beauf, on va rigoler. Ragueurs du soir, branleurs de plage, il fait beau, on va à la plage. Serviettes et claquettes, en marcel et en lunettes. Fais pas trop le chaud, parce que tu n'es qu'un campeur. Dans l'âme, dans l'âme, Miss et Mister Camping. Caravane et voiture tuning, camping gaz et sauciflard. 2 heures on attaque le Ricard, pétanque et cigarette, vieille odeur dans les toilettes. C'est ça la vie au camping, caravaning et petit string. Dans la.